Voyage au pays des diamants, par Bénédicte-Henri Réboil. Nos lecteurs ont déjà lu, dans plusieurs articles du journal des voyages, des descriptions du pays diamantifère du Cap de Bonne-Espérance. Mais voici un voyageur autrichien, le docteur Émile Holub, qui offre à ceux qui se plaisent à toutes les excursions lointaines un appât des plus alléchants, c'est-à-dire deux volumes de 430 pages chacun, illustrés par des gravures multiples dans lesquelles sont décrites toutes ces contrées à peine entr'ouvertes à la curiosité humaine et civilisée. Embarqué à Southampton, à bord du navire à vapeur Brilon, le docteur Holub arriva le 1er juillet 1872 devant la ville du Cap, et quelques heures avant de débarquer, courut le risque d'être emporté par un raz-de-marée qui le souleva du milieu du pont du steamer et l'emporta par-dessus bord. Par bonheur, la vague, en l'entraînant, le laissa retomber sur un des flancs du navire. Près de l'ancre appendue à la paroi, la queue devint pour le voyageur une ancre de salut. Bref, le docteur Holub fut assez heureux d'en être quitte pour la peur. Il mit pied à terre sur ce sol africain, dont les géographes n'écrivent jamais le nom, sans y ajouter des points d'interrogation sans nombre. Il visita la ville gouvernée par Sir Bartle Père, gravit la montagne de la Table, la Tête de Lion et le Pic du Diable, parcourut les alentours de Cape Town, qui, comme à Londres, servent de résidence aux riches négociants, qui ne viennent à leur offices, à leur bureau, que le matin, pour entrer le soir au logis, comme d'ailleurs cela se passe à Londres et dans toutes les cités anglaises sur le continent ou abroad. Nous n'avions jamais lu de description plus graphique de la ville du Cap que celle faite par le docteur Holub, qui décrit scrupuleusement la place de la parade, plantée de pins maritimes, le marché aux poissons tenu par des malais, l'aspect des maisons bâties dans le vieux style hollandais, les 16 églises de toute communion, la maison du gouverneur, le refuge des matelots, le jardin botanique, etc., etc. Vue de la mer, la ville du Cap offre un aspect ravissant, et de l'autre côté, là où commencent les terres, la végétation offre aux yeux du visiteur une vision idéale qui symbolise le paradis sur la terre. Un chemin de fer parcourt 100 000 de distance, conduisant les habitants des villas à leur résidence et les ramenant à la ville. Une autre ville du Cap, Port Elizabeth, 20 000 âmes, est ensuite décrite par le voyageur. C'est de là qu'il partit 15 jours après son arrivée en Afrique pour se rendre à Dutoilpan, le pays des placeurs de diamants. Port Elizabeth, séparé en deux par une rivière, est encore un Éden dans les limites duquel se dressent des plantes mirifiques, euphorbes géantes, glaïeuls aux couleurs irisées, lys splendide, aloès aux tiges élancées, dans les feuillages duquel se jouent des oiseaux au plumage brillant, où courent des animaux de toute espèce, lapins, gerboises, chats sauvages, genettes, se cachant à tous leurs yeux sous les arbres sombres que la nature a fait pousser dans ces parages. Dans les eaux de la mer et des ruisseaux, les poissons abondent, les mollusques se ramassent par boisseaux. En un mot, tout sourit au départ du chercheur de diamants qui va s'aventurer sur cette route couverte d'espérance. La voie praticable aux voyageurs longe Grahamtown, traverse la rivière Fish, et des deux côtés du chemin s'élèvent des bosquets d'essences diverses, au milieu desquels, çà et là, sont bâties des fermes dont les champs sont fort bien cultivés. Les écureuils sautent de branche en branche, et sont animaux de toute race, y compris celles des quadrupèdes, cerfs, rebocs, steamboks, gazelles, s'ébattent de tous côtés. Les gnous, ces bœufs qui tiennent du bison, broutent dans les espaces sauvages et bien souvent on voit passer les chasseurs à cheval qui courent les grands fauves sans trébucher sur le sol inégal. Le docteur Holub raconte avec soin les diverses façons de prendre le gibier africain, soit à l'aide de trappes, soit au moyen de pièges aussi ingénieux que destructeurs. C'est à travers un paysage très pittoresque que la petite caravane du docteur Holub passe à Cradock, à Middleburn, et plus haut à Colesberg, situé sur un des affluents de la rivière Orange, entouré de montagnes verdoyantes. Philippolis est le premier établissement important que l'on rencontre après avoir franchi les frontières de l'État d'Orange sur la route de Fort Smith. Le docteur Holub se plaît à raconter son odyssée sur un chariot à Hottentote, véhicule cahotant, mal équilibré, traîné par des bœufs sur des routes pleines d'ornières, par une pluie battante qui remplit d'eau les fondrières et entrave le voyage. Par bonheur, il y a de nombreuses fermes sur les bords de ces chemins fangeux, et la petite troupe du docteur Holub peut enfin se trouver à l'abri, reçu avec cordialité par de bonnes gens qui s'efforcent de faire oublier aux voyageurs la fatigue et la fâcheuse impression de cette traversée. C'est dans ces parages que le docteur Holub trouve devant lui des troupes de grues qui se rassemblent partout où il y a des sauterelles à dévorer, et il peut étudier les mœurs de ces échassiers, lesquels rendent de très grands services aux pionniers africains. Le voyageur arrive à Fort Smith, ville importante dans le milieu des terres, non point par sa population qui ne compte que 80 feux, mais par sa situation, laquelle attirera de nombreux squatteurs, dans un temps donné. Toutes les maisons sont à toit plat et construites de façon à être très fraîches à l'intérieur, point important sous ce climat torride. Fort Smith est le marché du pays. Tous les financiers du voisinage viennent là trafiquer les uns avec les autres. La vallée où s'élève la ville est plantée de sols pleureurs qui lui donnent un aspect assez triste. C'est en cet endroit que le docteur Holub, qui n'était pas plus riche qu'il ne le fallait, se trouva dénué de tout et forcé de recourir à la charité d'un colon qui lui ouvrit sa bourse et lui donna les moyens de continuer son voyage dans la direction des mines de diamants, but de son voyage. Le livre du docteur Holub contient la description de Coffee Fountain sur la rivière Riet, où l'on trouve une auberge primitive dont les lits sont de simples peaux d'animaux étendus sur de la litière. Bref, nous voilà au milieu des diggings des diamants, exploitation immense qui n'a rien de pareil à ce que l'on peut rêver. Une poussière impalpable monte vers la nuit qui obscurcit presque la lumière du jour. Des cordes sont tendues de tous les côtés, auxquelles sont appendues des corbeilles emportant la terre et les rochers loin du trou creusé pour arriver à la couche diamantifère. Les mineurs vont et viennent. Les inspecteurs se promènent de ci de là. C'est un mouvement qu'il faut voir pour y croire. Et le docteur Holub ainsi que ses camarades sont ébahis, étonnés, stupéfiés par un spectacle qu'ils n'avaient pas deviné de la sorte. Cet Eldorado africain est curieux sous tous les rapports, et le voyageur, qui a pris part aux travaux des mineurs pour gagner de l'argent en faisant quelques travaux fructueux, de façon à continuer ses explorations, raconte en détail tout ce qu'il a vu à Coffee Fountain, y compris le récit d'un orage épouvantable qui emporta pêle-mêle les tentes, les cordages et les outils des travailleurs. Il s'avança ensuite vers Kimberley afin de tout voir, et il décrit ponctuellement dans son premier volume les trois districts diamantifères de l'Afrique placés sur les bords de la rivière Wall. Ces mines ressemblent à s'y méprendre, à de grandes carrières dont les parois taillées perpendiculairement sont d'une profondeur de 200 pieds et au-dessus desquelles sont tendues des cordes, lesquelles donnent un aspect très curieux à cette exploitation des pebbles. Ce terme est celui que l'on affecte aux diamants du Cap, que tous les lapidaires connaissent à l'heure actuelle. C'est de Kimberley que part enfin le docteur Holub pour explorer les terres du nord de Griqualand, du Transvaal et de plusieurs petits royaumes hautentaux de la région du Cap de Bonne-Espérance. À peine éloigné des mines, le voyageur et ses compagnons sont exposés à des aventures sans nombre. Ils chassent les singes babouins, rencontrent les tribus de Basuto et de Korama, races occupant d'agriculture, des batlapines et des barolons Bechuana. Ces derniers, très habiles chasseurs et pointeurs émérites, connaissent à fond l'art de la balistique. À l'aide d'instruments de bois dur, qu'ils appellent kiri, ils tuent à la volée des oiseaux, avec autant d'adresse qu'un chasseur européen le ferait au moyen de fusils. Tout irait pour le mieux dans ce pays si les cobras tapaient là et les rinkuek n'étaient pas si nombreux qu'ils le sont. De tous côtés, ces ophidiens venimeux se rencontrent sur le sol, rampant, levant leur tête hideuse. C'est un danger incessant. Dans ce pays des batlapines, le docteur Holub trouve des oiseaux tisseurs qui font leur nid appendu aux branches des arbres avec des matières flexibles disposées en forme de poche et contenant leurs œufs et plus tard leurs petits. La terre de cette contrée est difficile à parcourir, crevasse qu'elle est, eu égard à la sécheresse, et quand par hasard, après des recherches dans le lit du courant d'eau, le docteur Holub rencontre un creux rempli d'eau, ce liquide est souillé par les excréments des ruminants qui sont venus y boire et l'eau est impotable. Un terrible accident arriva là au voyageur qui, prenant son fusil par le canon, vit tout à coup le coup partir et eut le visage brûlé, le chapeau troué par les projectiles. Il échappa par miracle à une mort certaine. Sur les rives du Val, les iguanes, des sortes de lézards édibles, abondent, mais il faut être très habile pour les découvrir, car malgré leur grosseur, ils sont difficiles à percevoir. Ces sauriens inoffensifs sont d'une taille monstrueuse. Il en est qui mesure 1 mètre de long. La route qui aboutit à Blumhoff est très accidentée. La pluie tombait par torrents, quand le voyageur autrichien et ses compagnons la parcouraient, et il y avait danger à s'aventurer ainsi dans un pays inconnu, le long des rives du Val, très escarpées dans ses parages et couvertes de mimosas fort élevés. Dans les environs de Klipsprost, le docteur Holub et ses camarades chassent les gnous à la fourrure noire, les poules de Guinée, et arrivent ainsi dans l'endroit nommé Potsdamsholm, la plus importante agglomération d'habitants du Transvaal, située dans des parages ravissants, où les maisons assez régulièrement bâties sont entourées de jardins. La ville entière est protégée par une chaîne de montagnes élevées. Mais il faut se méfier, dit le voyageur, quand on parcourt la plaine et la base des montagnes, car on pourrait tomber dans des trous dont les ouvertures sont couvertes et cachées par des arbres touffus et toujours verts. Là s'arrête le premier voyage du docteur Holub, qui revient à Dutoilpan, aux mines de diamants, par le même chemin parcouru, et décrit une chasse au lion pendant laquelle la femelle seule succombe à ses coups et à ceux de ses amis. Le second voyage du voyageur autrichien s'opère à Mazemania, et dès le début, il est exposé à périr dans un incendie au milieu des bois. Par bonheur, ses camarades et lui échappent à ce danger immense et peuvent chasser les hartbeests qui sont très nombreux dans ces parages. C'est sur cette route qu'ils rencontrent des hostilités que la prudence leur permet de surmonter. Le docteur avance vers le nord et il lui est donné de faire la chasse aux hyènes par un superbe clair de lune, de se lier avec les indigènes Yoshomis, dans la compagnie desquels il chasse les gazelles, voire même les lions dont l'un d'eux avait tué et dévoré en partie un colon, lequel fut retrouvé par son propre frère, à moitié dévoré dans les bois, au moment où l'énorme félin revenait près de sa proie afin d'assouvir sa faim. Les chasses aux zèbres par les barolons, aux gnous, la nuit, à l'affût dans un trou, sont également très intéressantes, racontées par le docteur autrichien. Sur son chemin, toujours dans la direction du nord, le voyageur trouve des huttes désertes et chasse les oies d'Égypte perchées sur des arbres. La sécheresse fait souffrir la petite caravane, qui s'avance néanmoins sur des routes détestables. La pluie survient, et ils peuvent recueillir le liquide réconfortant au moyen de droits pour entonnoirs et rigoles et de seaux pour récipients. Un peu plus loin, le docteur et ses compagnons se trouvent sur le territoire de Bankakert et reçoivent la visite de Mobili, fils du chef des Béchuana. Ce dignitaire est accompagné par Moulina, roi des Barolons, et Katsinia, souverain des Bankakert. Cette entrevue amicale est terminée par des protestations mutuelles d'amitié. En route dans la direction de Malopol, la petite caravane rencontre des missionnaires évangélisant les Béchuana. C'est dans ce pays que l'on chasse les lapins des rochers, espèce qui ressemble à celle des marmottes et que l'on a classée sous le nom de Hyrax capensis, pourchassés par les lynx qui s'en nourrissent et auxquels les habitants font la guerre afin de s'emparer de leur fourrure. Sur cette même route, le docteur Holub passe à la base des pics habités par les fourmis blanches et arrive à Malolopol, village aux constructions bizarres, encaissé dans une chaîne de monts très élevés. C'est chez lui, ce souverain noir dont a parlé le docteur Livingstone, vient faire visite aux voyageurs et le docteur Holub raconte in extenso la vie de ce souverain, laquelle est vraiment fort intéressante. Les missionnaires ont aussi pénétré jusque dans ce coin peu fréquenté de l'Afrique. L'auteur des voyages au pays des diamants donne à cet endroit l'étymologie du nom de Béchuana, qui veut dire « homme-crocodile ». La réception des voyageurs au palais du roi Seychelles est un des épisodes les plus curieux de ce livre. La civilisation introduit dans ces pays lointains des meubles de noyer recouverts de velours d'Utrecht, de couleur rouge, et quand le souverain ou la souveraine s'assoit sur les fauteuils ou sur les chaises, ils ont soin auparavant de placer soigneusement un mouchoir propre sur le velours. Le roi servit aux voyageurs un thé sur une table bien entretenue. La théière et les tasses, qui étaient en argent, lui avaient été offerts par des voyageurs désirant acquérir ses bonnes grâces. Parmi les superstitions de ce peuple, il faut compter les incantations faites sur la montagne pour amener ou éloigner la pluie, suivant les besoins du pays d'arrosage ou de sécheresse. La tribu des Massawa, avec laquelle les voyageurs sont en contact, est encore un des éléments de curiosité du livre du docteur Holub. C'est chez ce peuple que l'on pratique la chasse à l'abri des buissons artificiels ou portatifs, comme cela est en usage en France et en Europe au moyen de la bâche en carton. L'époque à laquelle les voyageurs arrivèrent dans ces parages était celle de la Noël, et ils célébrèrent cette fête au milieu des bois par un festin excellent pour de pauvres voyageurs, mais qui eût paru fort maigre à tout bon Anglais ou même un Parisien gourmet. C'est à quelques jours de là que le docteur Olub, se trouvant à la chasse, se perdit dans le fourré et fut ainsi 3 jours égaré. Il ne dut son salut qu'à la rencontre fortuite d'un Massawa qui le trouva mourant de soif et de faim. Là s'arrête le voyage du docteur Olub, qui va revenir aux mines et va rendre visite au roi des Bamangwata. Il décrit les causes des guerres intestines de ces diverses tribus africaines. Le docteur n'oublie pas non plus de parler de la beauté relative des femmes Bechuana comparée à la laideur du sexe féminin de l'Afrique. Pendant ce retour au pays des diamants, les voyageurs passent sur le bord d'un lac salé où vivent des poissons fort maigres et assez mauvais. Le lac est situé à quelques mètres de l'embouchure du Marika. Il y a là 2 villages appelés Bokalatse et Zerart, assez populeux. Le retour du docteur et de ses compagnons de route était indispensable. Les uns et les autres n'avaient plus ni argent, ni munitions, ni vêtements. Il leur fallait se remettre au travail aux mines de diamants afin de se refaire de toute façon. C'est ce qu'ils firent dès qu'ils eurent atteint Dutoilpan. Avant de quitter de nouveau Dutoilpan pour entreprendre son voyage, le docteur Émile Holub se livra à un entraînement régulier du corps et de l'esprit, s'habituant à des marches prolongées, s'adonnant à l'étude des langues, ou plutôt des dialectes du pays Kafre. Bref, le 2 mars 1875, il se mit en route avec quelques compagnons dévoués, emportant avec lui des articles d'échange, des provisions et des armes avec leurs munitions. Il passa à Bulfontein, Red Fountain, Pan Place, Gutsland, tous points qui sont indiqués sur la carte complète placée en tête du premier volume, en s'avançant vers le nord. Il décrit avec quelques détails curieux une chasse aux canards sur les étangs peuplés de myriades de ces palmipèdes. Il raconte, en s'étendant sur les incidents, les moyens qu'il mit en œuvre pour augmenter ses collections de toutes sortes. Le long du chemin suivi par le docteur Émile Holub se trouvaient des fermes nombreuses entourées de champs très bien cultivés. Plus loin, sur les déclivités d'une montagne boisée, il découvrit un cimetière de batlapines et de corane composé de pierres tumulaires tout à fait semblables à celles de nos nécropoles européennes, de formes carrées, oblongues et disposées les unes à côté des autres. De superbes acacias recouvraient ces dalles africaines de leur ombre luxuriante. À Mamaza, un des chefs-lieux du Krikaland sur la frontière du Transvaal, le docteur Émile Holub se trouva en contact avec M. Merganon, chasseur ornithologique très renommé, qui se livrait à son plaisir favori et lui donna de très bons conseils pour mettre à profit les heureuses rencontres qu'il ferait pendant son excursion lointaine. Le docteur Émile Holub eut la bonne fortune de rencontrer des vaudois sauvages sur le lac Moffat Salt Lake, où tous les oiseaux les plus remarquables de l'espèce palmipède et de celle des échassiers, grues, flamants roses, ibis et autres, avaient fait élection de domicile. Les troupeaux de blesbok, de springbok, évalués à plus de 400 têtes chaque, broutaient sur la rive de cet Éden africain qui bordait la vallée de la Maritsana. À quelques jours de là, le voyageur parvint dans le kraal du roi Molema, chef de la tribu des Rakolori, et il décrit d'une façon graphique et fort curieuse la manière de rendre la justice de ce souverain Kafre. Là aussi se trouvait un missionnaire nommé Meo, qui fit un très bon accueil au voyageur autrichien et lui donna des conseils pour mener à bonne fin son entreprise. En poursuivant sa route, le docteur Holub arriva à la vallée de Little Marico et de là à la ferme Welterped, où résidait un chasseur d'éléphants émérite qui lui donna des preuves de ses victoires nombreuses. Tous ces récits d'exploits merveilleux avaient donné au docteur Holub le désir de se trouver bientôt à pareille fête. Il y réussit, car il raconte in extenso certains affûts de nuit près d'un abreuvoir où il attendait des bêtes à cornes pour en auxire quelques-unes à l'intention de ses repas et de celui de ses gens. Cette chasse lui fit dresser les cheveux sur la tête en présence d'un lion rôdant autour de l'arbre où il se tenait perché, quarens quem deboret. En somme, l'animal féroce s'éloigna, n'ayant pas trouvé l'occasion propice à sa victime convoitée, placée de façon à sauter sur elle. Sur les bords du Manico, dit le docteur Holub, les pintades abondent comme aussi les crocodiles. C'est en se mettant à la poursuite des unes et des autres que le voyageur faillit être tué par un accident de chasse, la détonation de son fusil, dont les chats accrochés partirent et dont la charge frôla son visage en lui trouant les bords de son chapeau. Dans un endroit appelé Kemi Salt Pan, un chef cafre vint visiter le docteur Holub et lui promit tous les égards dus à un homme de son importance. La route suivie par le docteur partait de Seacrest dans la direction de Shoshang, où se trouvent des grottes fort curieuses à parcourir et dont la description est une des plus curieuses illustrations du livre second de ce voyage intéressant sous tous les rapports. Dans les environs étaient établis des chasseurs d'éléphants faisant le commerce de l'ivoire. Le voyageur rencontra également dans ces parages des serpents de taille énorme et des autruches en troupe dont certaines tombèrent sous ses coups. Il se vit bientôt au milieu des Maklahares, cafres aux mœurs fort douces dont il se plaît à décrire les usages, la façon de vivre et les amicales réceptions. En quelques semaines, le docteur Holub arriva près des grands lacs salés au nord du pays cafre, dont le nombre est de 7, et parmi lesquels 2 sont d'une assez vaste étendue. Quelques difficultés soutenues par un des employés du docteur amenèrent une querelle avec des Zoulous de ce coin du monde qui firent vite apparition. D'ailleurs, le gibier, très abondant dans ces parages, les lions qu'on entendait rugir pendant la nuit et qui effrayaient les bœufs conducteurs de la caravane, donnaient plus de soucis au docteur Holub que toute autre chose. Il se joignit à quelques chasseurs trouvés sur son passage et put, en leur compagnie, se livrer à des sports très intéressants. Dans cette partie de son second volume, le docteur Holub décrit les Madelanasa, qui sont soumis aux Bumanimoto. Ces peuples sauvages sont très forts, mais excessivement hideux de visage. Par une exception, le sexe faible, sans être beau, est passable de figure et de forme assez remarquables. Là eut lieu une chasse au lion, qui est un des épisodes curieux du livre. C'était pendant la nuit, par un beau clair de lune, et le félin fut mis à mort avec une habileté qui fit un grand honneur aux chasseurs viennois. Les jours suivants, le docteur et ses gens purent varier leur plaisir en tiraillant sur les éléphants et les lions qui avaient fait élection de domicile dans ces parages. Le docteur Holub est d'avis que la race des lions peut se diviser en 3 espèces bien distinctes. La première, les lions du nord de l'Afrique, ceux de la Barbarie, ont la crinière longue, fournie, épaisse. Les seconds, les Manelais, sont au centre de l'Afrique et les troisièmes, les Krent Manelais, vivant dans la partie sud, ayant le poil court et s'efforçant d'effrayer leurs ennemis au lieu de les attaquer. Ces derniers, inoffensifs pour le marmé, sont seulement dangereux pour les faibles et les animaux de chasse. Tout en marchant et en chassant, le docteur Holub avait atteint la station d'Impalera, sur les bords de Zambèze. Il se plaît à raconter l'admiration qu'il éprouva en présence de ce splendide paysage qui le transportait dans une contrée idéale, à la végétation inconnue jusqu'alors, tenant plus du fantastique que de la réalité. Au confluent du Zambèze et du fleuve Cholet, il reçut la visite de cafres Mazapia, très beaux hommes, dont le costume, quoique primitif, lui parut élégant, relativement parlant. Ces indigènes ne savaient pas distinguer le bien des autres du leur. Aussi fallait-il surveiller tous leurs mouvements. Ils improvisèrent pour le docteur des huttes très confortables, avec une dextérité qui étonna celui-ci. Pendant une excursion à la chasse au Pela, le docteur Holub découvrit un tombeau de Mazapia très bizarre, orné de cornes énormes taillées en pierre sous des rochers amoncelés. Il eut l'occasion de faire feu sur des hippopotames, et les Africains le mirent au courant de toutes les chasses qui leur sont familières. Bientôt le roi Sepoyo, du pays Wanawena, vint faire visite aux voyageurs. Il était vêtu à l'européenne et avait organisé sa maison royale sur le même pied. Le docteur Holub décrit les usages de ce souverain, sa cuisine surtout qui était excellente, toujours relativement. Un peu plus loin, le roi des Maratsé vint examiner le voyageur et lui montrer les ressources immenses dont il dispose en bétail, en culture de maïs, etc., etc. Ce potentat avait organisé une musique sui generis, très primitive, mais fort sonore. Il offrit à ses hôtes un plat fort aimé de la chair d'hippopotame qui avait une saveur assez agréable. Il était impossible aux voyageurs Holub de ne pas visiter les chutes Victoria, qui ont acquis une si grande renommée par la description qu'en a faite le docteur Livingston. Il se rendit donc à Pandamatenka, situé dans un splendide paysage, rencontra les girafes auxquelles il fit la chasse et passa, à un certain endroit, devant une rive du fleuve dont les eaux étaient si transparentes qu'il put dessiner des visu le fond de ce lit que l'on eût dit être un vaste aquarium. La description de ce spectacle grandiose est une des plus belles pages du livre et pour mieux la faire comprendre, le docteur a fait faire une gravure qui étonne celui qui la regarde. C'est à cet endroit-là que le docteur Lube tomba malade. La chaleur du climat, la nourriture échauffante, les fatigues, tout avait contribué à abattre le malheureux. Il ne se laissa cependant point terrasser, car il nous raconte des chasses au lion en compagnie de dames qui veulent assister à ce sport émouvant. Il décrit ensuite très graphiquement les mœurs de la nation des Manassa ou Massaroi, leur mariage, enterrement, leur qualité pour la vie domestique et tout ce qui a trait à la vie intérieure et extérieure de ces peuples. Le roi Sepoyo, chez qui se trouvait le docteur Lube, traitait son hôte avec tous les égards possibles. Il l'avait admis dans sa vie intime, au milieu de ses femmes qu'il respectait plus que ne le font d'habitude les autres souverains d'Afrique. Par contre, ce potentat était d'une cruauté sans égale. On lui amena un jour un malheureux vieillard infirme qui n'avait plus personne de sa famille pour subvenir à ses besoins. Il condamna à mort cet infortuné qui fut noyé dans le Zambèze sans pitié ni merci. Dans ces lieux arrosés par le grand fleuve, le docteur Lube assista aux chasses faites aux éléphants et aux buffalo nari qui, furieux, bondissant, s'élançaient jusque dans les eaux pour échapper à ceux qui les poursuivaient. Il y avait aussi des antilopes dans le courant d'eau, fuyant les assagaïs des Mananzas. La description des chutes Victoria, qui est complète dans le livre du docteur Lube, est encore un des paysages étourdissants de ce livre plein d'intérêt. Il n'y a en effet que la chute du Niagara qui puisse être comparée à celle du fleuve immense du pays Cafre. Comme sur les bords de cette merveille du monde américain, le voyageur est assourdi une lieue à l'avance par la tonitruation des eaux disparaissant dans le gouffre. C'est une des plus grandes curiosités naturelles du Zambèze. Le retour du voyageur au pays des diamants était désormais inévitable, sous peine de courir le risque de laisser ses eaux loin de sa famille et de ses amis. Il embarqua sur divers canaux ses collections, ses objets de curiosité, mais soit que ses bateliers et ses guides fussent inhabiles, soit que le courant fût plus fort qu'eux, les canaux furent renversés, et il fallut repêcher les hommes d'abord, les ballots ensuite, et ce fut avec de très grandes difficultés que la petite troupe revint à Sechetke. Le docteur Lube nous raconte ensuite, par le menu, les mœurs des Cafres Maratse, leur façon de pêcher les poissons, soit à l'aide de filets, soit au moyen de lances assagaï, sorte de tridents barbelés dont ils font usage avec une grande habileté. Ces peuplades fabriquent également de la bière avec certaines plantes et du miel sauvage qui, après fermentation, donne un goût assez agréable à cette boisson. Le docteur Lube continua sa route rétrograde, tout en continuant à étudier le pays qu'il parcourait. Il traversa une splendide vallée, dite l'Eshuno, qui est un modèle de jardin anglais abandonné à l'état de nature. Il traversa ensuite dans la région habitée par les Nakoloka et les Malabele, chassant toujours, recueillant des spécimens d'histoire naturelle fort précieux pour les collections. Dans la vallée du Nutio, au cœur des montagnes et le long des ruisseaux Ramakuban, il trouva des maisons construites à l'européenne et des traces de placères abandonnées, car les mineurs et chercheurs d'or, après avoir exploité ces terrains, n'avaient pas trouvé plus de 7 onces par tonne de quartz et 24 au plus dans certains endroits. Dans une de ces fermes de bourg, un incident des plus émouvants se passa pendant que le docteur Lube séjournait en cet endroit pour s'y reposer. Un habitant, partant pour la chasse avec ses voisins, avait laissé au logis sa femme, son enfant âgé de 3 ans et 2 autres parents, des cousins, qui avec un nègre et une négresse caf formaient tout le personnel de sa ferme. Peu de temps après son départ, les gens du voisinage vinrent annoncer au maître de la maison qu'un léopard affamé avait fait son apparition dans le settlement. On se mit en mesure de faire la chasse au félin. Celui-ci, qui rôdait derrière les maisons, aperçut bientôt un jeune chat qui ronronnait au soleil, et en voulant lui sauter dessus, pénétra dans la chambre de la maison qui servait de dortoir. Il y avait là le jeune enfant endormi, et ce fut à ses côtés que la mère et les autres habitants découvrirent le carnassier et lui firent la chasse. La bête dangereuse, se croyant prise au piège, était dans un état piteux de peur et d'angoisse, si bien que lorsqu'on se précipita sur elle pour sauver l'enfant, il y eut un pêle-mêle d'hommes, de femmes et de bêtes qui permit à cette dernière de bondir au dehors sans avoir blessé personne. Le pauvre enfant l'avait échappé belle. Redescendu à Chausong, le docteur Lube réorganisa sa caravane, et c'était un curieux spectacle que celui de ses chariots flanqués de cages et de ballots contenant des animaux en vie et des dépouilles séchées et empilées. Il y avait là des trésors, surtout pour le pauvre docteur qui, parti, presque sans argent, à l'aventure, revenait à son point de départ avec des valeurs effectives. Il descendit à la mission de Molopolet et alla enfin se reposer à Bellefontaine, où il s'installa afin de recouvrer la santé, ranimer ses animaux et oiseaux en vie et mettre ses collections en ordre. Une gravure du livre du docteur Holub nous montre la demeure provisoire de ce voyageur qui ressemble fort à une petite maison bourgeoise des environs de Paris, avec cette différence que les espaliers sont remplacés par des cages d'une ménagerie ambulante. Ce spectacle étrange n'en est pas moins fort pittoresque. Pendant son séjour dans ce lieu de repos, le docteur Holub reprit des forces et put souvent s'en aller à la chasse et satisfaire ses goûts cynégétiques, si bien qu'il eut la bonne fortune de faire porter bas par ses chiens un énorme porc-épic, animal très rare dans cette partie de l'Afrique. Nous suivrons encore le docteur Holub à Cradock, à Philopolis et enfin à Port-Élisabeth, où il arriva en excellent état. Le voici enfin à la ville du Cap de Bonne-Espérance. Il s'embarque pour l'Europe, rapportant dans son pays natal à Vienne 30 000 objets de curiosité africaine, dont 12 500 ont été exposés en 1880 au pavillon des amateurs. C'est là, comme nos lecteurs pourront s'en convaincre, après avoir lu notre compte-rendu, une splendide odyssée de voyageurs exotiques qui a duré 7 ans et qui a rapporté à son auteur de nombreux témoignages d'approbation pour tous les savants du monde civilisé. Ainsi s'achève le voyage du docteur Émile Holub au Pays des Diamants par Bénédicte Henri Révoil.